Indiquer son chemin à quelqu'un. Exercice 5. A. Bonjour. J'aimerais savoir où se trouve la pharmacie, s'il vous plaît. B. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'indiquer les toilettes ? C. Bonjour, nous cherchons le restaurant. C'est de quel côté ? D. Bonjour, pour payer le parking, il faut aller où exactement ? E. Bonjour, je sais qu'il y a un espace pour changer les bébés dans le centre, mais je ne le trouve pas. Vous pouvez me renseigner ?